nous des sons nice. Pour nous ça prend un pied. Bah nous en basse nous qui t'a pété à bord l'auto. Grand côté mon maille. Ça t'a rendu la vie colorée. Pas après bah nous oui dim nous qui prenons bada conscience comme le king calabash. Nous qui prenons mettre à l'arrache pour nous manipuler qu'on lâche. Nous pétons ton manamanamash bada vache. Bouche à fond comme bas nous ça pas pour menace. Boum bam bam bidi bidi big bada bada bidi bidi bidi bidi bidi. Make a big bada bidi bidi bidi bidi bidi bidi. Make a bada bada bidi bidi bidi bidi bidi bidi. Make a comme abouya nous le coller à ce sonneau. Pour faire un amateur sonneau à ma 4. Bah nous les plus gros tous nous en juste en nous fracasse. Même si ça cadate c'est un mal karaté. Tout ça qui les freine nous envoyer yo balade. Bam bam bidi bidi big bada bada bidi bidi bidi bidi bidi. Make a big bada bidi bidi bidi bidi bidi bidi. Make a bada bada bidi bidi bidi bidi bidi bidi. Make a comme abouya nous le coller. Mettez toi les mains, dites-moi qui c'est qui a dit ça. Je n'ai pas qu'à bien ça qui a joué en la ria. C'est une question de mode ou de commodité. De quoi de t'y coloniser, mais c'est n'est que toujours été là. Nous j'en cabalu, hey boy. Nous peut balu à la boujoubi, hey boy. Fini écouter ça, n'a pas couru, hey boy. N'y y'a pas quelqu'un qui t'arrive, je ne sais les vous dire, dis-moi quelqu'un. Ma mère a bidi bidi big bada bada bidi bidi bidi bidi bidi bidi. Make a big bada bada bada bidi bidi bidi bidi bidi bidi. Make a big bada bada bada bidi bidi bidi bidi bidi bidi. Make a comme abouya nous les coller à ce chono. Big bada bada bada bidi bidi bidi bidi bidi. Make a big bada bada bada bidi bidi bidi bidi bidi. Make a bada bada bada bidi bidi bidi bidi bidi. Make a comme abouya nous les coller.